بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 15. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ماذا أخذنا أمس تفضل الحديث المنقطع ما هو الحديث المنقطع لا على التوالي أي سقط من سنده راو أو أكثر لا على جهة أو لا على التوالي ما معنى التوالي؟ نعم واحد بعد واحد ستعرف سفسخ ماذا؟ المرسل والمعضل نعم المرسل لأن المرسل من أنواع المنقطع لكن من جهة خاصة من جهة الصحابي c'est pas forcément un sahabi qui manque dans son net un sahabi est ربما un autre c'est pour ça qu'il manque ou le mu'adal c'est de suite ce qu'on va voir aujourd'hui ما حكم المنقطع ضعيف لماذا نعم لأنه من شروط الصحة اتصال السند والمنقطع C'est le contraire. Ittisal inqita'. Naqra aw na'khud qisman jadidan al-yawm insha'Allah ta'ala. Wa huwa qawl an-nadhim qala al-Baiquni rahmatullah alayh wal mu'dhal as-saqit minhu ithnan wa ma ata mudallasan naw'an mudallasan bi fath al-lam. Al-mudallis c'est celui qui fait du tadlis. Al-mudallas c'est le hadith aw le qism lui-même. قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلس النوعان donc deux قسمes المعضل on en a parlé hier et on va lire كلام الشيخ aujourd'hui et il est سهل ثم le deuxième قسم المدلس قال الأول الإسقاط للشيخ وأن المدلس الحديث المدلس il va citer deux catégories الأول قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف ce qu'on appelle le premier تدليس الإسناد et le deuxième تدليس الشيوخ et c'est ce qu'on va voir inshallah en détail نبدأ أولا بالمعضل قال الشيخ سعيد رحمة الله عليه في هذه الأبيات ذكر الناظم قسمين من أقسام الحديث وهما الأول المعضل قال وهو لقب لنوع خاص من أنواع المنقطع donc المنقطع c'est أعم المعضل il est أخص المعضل c'est une sous-catégorie du منقطع قال وهو لغة مأخوذ من أعضله فلان فهو معضل عضيل والعضيل المستغلق الشديد قال فكأن المحدث الذي حدث به أعضله فضيق المجال على من يوفيه إليه قال وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل والجرح أحيانا العلماء يستد مسائل من المعضلات Avec des choses compliquées, tu n'arrives pas à savoir. Mathalan, il y en manque 2-3 dans l'isnad. Là, chacun al-muhaddith, il aura du mal à trouver c'est qui. Et c'est même le chisme d'aïf. قال وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل والجرح فلم ينتفع به. نعم. لأن الانقطاع il est de plusieurs tabaqas, plusieurs générations qui manquent. قال فلم ينتفع به من يرويه عنه نعم il est ضعيف بل سنضعف لبا يسير قال وهو في الاصطلاح سيسكي نزانتغس الآن ما سقط منه اثنان فأكثر donc ça commence par deux فأكثر على التوالي أي de suite deux ou plus trois, quatre, cinq على التوالي قال فإن لم يتوالى فهو منقطع comme on a expliqué hier c'est ça la différence donc le معضل c'est il y a un سقط في السنة لكن il faut deux choses pour qu'il s'appelle معضل que ça soit minimum deux ou plus ça c'est la première chose la deuxième chose على التوالي de suite قال وهو بالاصطلاح ما سقط منه اثنان فأكثر على التوالي فإن لم يتوالى فهو منقطع كما سبق في المنقطع et avec le schéma d'hier c'est compris هذا قال وحكم المعضل الضعف لماذا عندك من شروط الصحة اتصال السند أحسنت من شروط الصحة اتصال السند وهنا ينقطع بل انقطاع كبير au minimum 2 على التوالي donc ça fait plusieurs générations qui manqueront et on peut pas dire qu'il est sahih ou hasan أبدا قال وحكم المعضل الضعف كالمنقطع للاتفاق في العلة أي العلة هنا c'est la même cause المنقطع إلى ضعيف la cause il n'y a pas d'اتصال il manque le شرط اتصال السند il y a un manque on ne sait pas c'est qui المعضل c'est la même علة il y a une coupure on ne sait pas c'est qui قال بل هي في المعضل أشد لكثرة السقط فيه نعم donc المعضل من حيث الضعف il est أشد ضعفا que un munqati' qui n'est pas mu'adhal. لماذا لأن السقط il est akbar. Il y a manque 2, 3, 4 de suite. Voilà, chaque c'est pas comme si on manque 1. Al-dha'f il est ashad. Donc ça c'est le mu'adhal et taqaddama ams. بقي un مثال. قال المعضل. اولا vous avez remarqué que al-Bayquni rahmatullah alayhi il a pas cité at-tawali dans son nom, قال والمعضل الساقط منه اثنان. Et ça suffit pas. لأن si c'est pas على التوالي, c'est pas من المعضل على الصحيح. Donc, le bayt de l'imam al-Bayquni, il est muntaqad. لا بد من هذا القيد. نعم, فما سقط منه اثنان, أي من سنده اثنان فصاعدا, أي فأكثر, على التوالي. من أي موضع؟ On précise كذلك, comme il a précisé l'akh turki, من أي موضع من السند. Que ça soit le sakt au début, au milieu, à la fin. Si c'est plus de deux, ou plus de deux, de suite, c'est un mu'adhal. قال الحافظ ابن حجر, رحمه الله عليه, قال الجوزجاني, قال المعضل أسوأ حالا من المنقطع. والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. والمرسل لا تقوم به حجة. نعم ça vous montre أن الضعيف أو الضعف c'est des niveaux c'est pas tous pareil ça te servira pour الحسن لغيره الشديد الضعف tu peux pas l'utiliser pour renforcer un autre hadith il est شديد الضعف celui qui a un ضعف يسير كالمرسل tu peux l'utiliser pour renforcer notre chaîne de transmission ça c'est مهم comme vous verrez dans les prochains livres Et tu le vois dans la silsila sahiha de Cheikh l'Albani, il utilise des marasil, il utilise des hadith dha'ifa, tout le il les renforce avec des autres chaînes de transmission. Amma al-dha'if, aïe al-shadid al-dha'f, kal-mu'adhal, kal-mawdou', tout ça tu ne peux pas renforcer avec. Qala amtilathu al-mu'adhal, qala al-hakim, ذكر إمام الحديث تساس من شرح شيخ تركي قال ذكر إمام الحديث علي ابن عبد الله المديني نعم علي المديني معروف من مشائخ الإمام البخاري كنت الإمام البخاري دي حدثنا علي ابن المديني قال فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من الروايات يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل وأنه غير المرسل فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم نعم المرسل تقدم جهة الصحابة والتابعين يا موك ثم إلى ستة مثال قال ثم مثله الحاكم بمثالين أحدهما عن عمرو بن شعيب قال قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد الحديث ثم قال الحاكم ما خلاصته أعضله عمرو بن شعيب نعم يعني أدخل عمرو بن شعيب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جنراسيون قال ولا نعلم أحدا من الرواة وصله ولا أرسله عنه فالحديث معضل. Est-ce qu'il a cité un mital plus simple أخونا حسين نعم قال المعضل ما سقط منه أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي نعم pour faire sortir le mursal et pour faire sortir le muallaq comme vous verrez dans les autres livres. نحن tout à l'heure on a dit أن السقط dans n'importe quel جهة du سند في الحقيقة هي تفصيل. C'est pour ça que هنا son تعريف il est طيب ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. أما si c'est le début et il manque beaucoup, on verra, ça s'appelle Al-Mu'allaq. قال أمثلة قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي الذهلي معروف محمد ابن يحيى قال هذا حديث معضل لا وجه له إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها. نعم معروف أن عائشة quand elle était en i'tikaf, quand elle rentrait chez elle, elle passait, elle s'arrêtait pas. Elle passait salam. Hatta le mari, elle passait salam et elle ne s'arrêtait pas. C'est un dalil, elle n'a le mu'taqif. Voilà aussi, il rentre chez lui pour un besoin, il revient directement au masjid. Enfin, ce hadith, il n'est pas marfou. Al-sahih, c'est qu'il est mouqouf. Al-marfou, il est mu'adhal. Qala al-dhuhli, hadha hadithun mu'adhal, la wajhala. إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر والوهم فيما نرى من ابن لهيعة وابن لهيعة إذا ضعيف كما تعلمون. قال فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل إلى آخر. نعم هنوت مثال ما رواه مالك في الموطأ. موطأ مالك كتاب عظيم. الإمام الشافعي رحمة الله عليه il a qualifié ce livre de As-Sah, c'est le livre le plus authentique, Al-Muwatta, de l'imam Malik. Quand il dit كيف العلماء ils sont unanimes أن As-Sah al-Kutub c'est le Bukhari, Sahih al-Bukhari. ما الجواب الشافعي يقول Al-Muwatta. ثم on a إجماع أن As-Sah al-Kutub c'est le Bukhari, ثم Muslim. على كل حال les deux. Avant Muwatta Malik. فما الجواب في زمن الإمام مالك أو في زمن الشافعي هذا كتاب أصح. نعم ثم إذا خرج الكتب نعم أي نعم أي في زمن الشافعي لا يوجد encore البخاري ومسلم. الشافعي لي avant eux رحمة الله عليه. À l'époque du الشافعي نعم أصح الكتب c'était موطأ مالك. ثم quand البخاري il a écrit son livre الإمام مسلم فالبخاري c'est أصح الكتب ثم صحيح مسلم. قال في الموطأ الإمام مالك رحمة الله عليه بلغه أنه بلغه أي مالك رحمة الله عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. لماذا المعضل؟ روى الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه عن أبي هريرة. لماذا إلي معضل؟ إن الإمام مالك ما أدرك أبي هريرة فإلي منقطع. لماذا أنا دي معضل؟ بين أبي هريرة ومالك من إمام كم أقل شيء أقل شيء دع على التوالي أقل شيء. C'est pour ça que طبقة الإمام مالك entre lui et الصحابة en général il y a deux. Quand il prend l'imam مالك من الإمام الزهري ثم الإمام الزهري prend un صحابي أو il prend من كبار التابعين ثم il prend un صحابي ah oui, il prend directement dans Sahabi. À la kulli hal, au moins deux ou trois. Dans des cas, c'est un. Malik, Nafi, Ibn Umar. Naam, lakin Abu Huraira, là. Abu Huraira, entre Abu Huraira et l'imam Malik, il y a au moins deux. Ou plus. À la tawali. Ah, c'est min al-mu'adhal. Balagahu. An Abi Huraira, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal. Fa'adhe al-mu'adhal, entre Malik et Abu Huraira, il y a des raouis. ثم الإمام مالك انتبه لقوله يجي باكس صحيح هو يجي بلغه فما انفرمي كأنك أنت مثلا في دي وما انفرمي أن الشيخ فلان إلا دي ثم سيون تدمى ديسك صحيح تدي أنا ما أدري وما انفرمي ينظر انشيخ انرغب هذا. ففقط سامثال pour te montrer entre Malik et Abu Huraira, il y a au moins deux narrateurs, Fasimina al-Mu'adal. Thumma qal, il les a cités. Faqad saqata minhu rawiyan bayna Malik wa Abu Huraira. Deux rawi. Qal wa huwa Muhammad, wa huma Muhammad ibn Mijlan, wa Abu, kama rawahu Malik, kharij al-Muwatta. L'imam Malik, il a rapporté ce hadith et il a cité les deux. Il a cité les deux, Muhammad ibn Mijlan et son père, Thumma Abu Huraira. Donc, tu as Isnad. Est-ce que le sahih yundar hal Muhammad ibn Mijlan et son père? Tamam. Al-Mu'adal, il est très simple. Deuxième nom. Qala rahimahullah. Al-Thani al-Mudallas. Ma'khoud min al-Dalas. Bit-Tahrik. Aïe fathiddal wal-lam. Al-Dalas. Qala wa huwa al-Dalam. Naam. Al-Dalas, c'est al-Dalam. C'est l'obscurité. Pourquoi ils l'ont appelé Mudallas? On va voir. Il y a un rapport avec ça. قال كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. صحيح. C'est pour ça qu'ils ont fait le lien avec Al-Dhalam. لأن المدلس كأنه il cache quelque chose. Enfin, pour celui qui entend le isnad, il est plus clair. Il n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas واضح. فلهذا ils l'ont appelé Al-Mudallas. Et ils ont appelé celui qui fait ça Al-Mudallis. Et le fi'l at-tadlis. Qala amma fi al-istilah fa huwa qisman kama dhakara an-nadhim fi an-nadhm. Na'am. Al-awwal al-isqat lish-shaykh wa an yanqul 'amman fawqahu bi'an wa an. Wa ath-thani ila akhirih. On commence par le premier wa huwa tadlis al-isnad. On lit awalan avant de faire le schéma, on lit كلام الشيخ. قال الأول تدليس الإسناد. قال وقد حده الناظم وأوضحه على ما هو الصحيح في حده وتعريفه. Ça te montre qu'il y a un خلاف. لكن ce qu'il a cité l'imam al-Bayquni c'est صحيح. قال كما ترى هو أن يروي المدلس عن شيخه الذي لقيه وسمع منه حديثا لم يسمع منه. بعن. مثلا سراوي سا مدلس. إلى أن شيخ. C'est celui qui est après lui dans l'isnad. Ce shaykh, هذا, cet élève, sami'a min. Il a entendu des hadiths. Hein. Lakin, ce hadith qu'elle a, ce hadith, il ne l'a pas entendu de son shaykh. Fait qu'est-ce qu'il dit? Il dit an. Il te fait croire que ce hadith, qui va te rapporter l'an, il te fait croire qu'il l'a entendu de son shaykh. L'anna, il est connu. Mathalan, anta, ton shaykh, c'est Shaykh Yahya. T'as entendu plein de kalam de lui. Donc, tu vas dire Sami'tu al-shaykh, qal kada. Ou akhbarani al-shaykh. T'as une assise avec shaykh, il t'a informé d'une chose. Tu dis akhbarani al-shaykh kada. Tamam. T'es un thiqa, ton shaykh c'est un thiqa. T'as entendu, tamam. Les gens ils vont te croire. Al-an, une information, tu l'as pas entendu de shaykh. Enfin, cette personne, c'est un mudallis, il va faire croire qu'il a entendu un shaykh. Enfin, il va dire quoi? Un shaykh Yahya, telle chose. Qu'est-ce qu'il va croire le sami'? Le sami', qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser, vu que tu es un de ses élèves, vu que tu as entendu beaucoup de choses de lui, ce récit que tu rapportes, tu l'as entendu un shaykh. Et c'est du tadlis. Enfin, c'est pour ça qu'un anatu al-mudallis, al-ulama, ils font attention. Est-ce qu'il a entendu Amla? Vous vous rappelez fil anana? Ah, d'accord, rapport à ça. Si c'est pas un modèle, si c'est pas un modèle, c'est dit, il n'y a aucun problème. L'imam Malik, Soufiane al-Thawri, Shu'ba, Al-Layth ibn Sa'd, Al-Awza'i, tous ces grands imams, Hamad, tous ceux-là, ils disent, il n'y a aucun problème. Quand c'est le modèle, ça pose un problème. Ça pose un problème, les annahu, comme on va voir la suite, c'est quelque chose qui cache. C'est quelque chose qui cache. L'imad al-an, c'est un problème. Indaman. Pourquoi c'est un problème cet élève qui rapporte de son shir ce hadith qu'il n'a pas entendu? Bi'an, pourquoi ça pose un problème? Ahsan, li'anna huna, il y a un manque. C'est qu'il a. La question qu'on se pose, ce modèle-lis, il n'a pas entendu ce hadith de son shir. Mais il l'a quand même entendu ce hadith. L'anna, il le rapporte. Il l'a entendu de qui? On a des points d'interrogation. Ce Medjhoul, hein, on ne sait pas c'est qui. Ça fait du mal à Riwayat al-Mudallis. On doit savoir c'est qui. Mais faut. On lit l'an, ça va être awdah. On répète. Qala al-awwal تدليس الإسناد وقد حده الناظم وأوضحه على ما هو الصحيح في حده وتعريفه كما ترى وهو أن يروي المدلس عن شيخه الذي لقيه وسمع منه حديثا لم يسمعه منه. En général, il a entendu les hadiths de son shir. Lakin, ce hadith précis, il n'a pas entendu de son shir. Il dit « an ». Aïe, al-an, il y a quelque chose qui est caché. Tu l'as entendu de qui ?« Qala wa lam yasma' min bi'an wa an ». Pourquoi il dit « an wa an » Pourquoi il ne dit pas « sami'tu » ou « akhbarani » Hein ? C'est important l'an. Soit il dit « an », comme on a mis ici l'exemple, « kadhalik an an ». تفضل لان لا يسمع من الشيخ لا بس نعم زيد لو قال سمع لكذب احسنت سي لو ردي سمعت il serait tombé dans le كذب الواضح il peut pas dire سمعت il a pas entendu لكن pour pas tomber dans le كذب عن et عن ça implique plein de choses est-ce que tu l'as entendu directement ام لا مفهوم donc le problème c'est عن عنت ou ان انت الان انا C'est le fait de dire an. Al-an-ana, c'est le fait de dire an. Le problème, al-an-ana, du modèle, c'est un problème. C'est pour ça qu'on avait vu, fille. On relira le kalam, faites-moi penser. On avait dit, on relira. Qala, qala bi'an wa an wa nahwiha min as-siyar. As-siyar, c'est ces mots qui sont employés entre les deux narrateurs. An, wa an. وأخبرني وسمعت وحدثني tout ça. قال المحتمل للسماع وعدمه. Vous avez remarqué, le modèle, il va utiliser cette sira, تحتمل السماع وعدمه. Quand tu dis عن, peut-être que tu l'as rencontré directement, peut-être que pas. مفهوم. قال موهوما أنه سمع منه. C'est ça son but. وهم أي يوهم أنه il a entendu de son shir. Et les ulama, les huffaz, ils vont démontrer Fulan, il a entendu des hadiths lakin ce hadith, il ne l'a pas entendu de son shir. C'est un modallis. Et il rejette son hadith. Qala, sauf s'il dit sami'at ou akhbarani ou haddathani, ay une sira wadiha. Qala muhiman annahu sami'a min wa baynahuma wasitatun qad asqataha. Cette wasita. Et c'est ça le problème. Entre les deux dans ce hadith, il y a une waseta, et vu que ce rawi sait très bien que cette waseta fiha nazar, il y a quelque chose, il dit directement an son shir an, et il fait tomber lui. Vous avez compris? Al-haqiqa, vous allez voir, kalam ahl al-ilm, anna, ma'adha, al-tadlis, c'est pas sahel. L'imam Shu'ba, rahmatullah alayhi, qala al-tadlis akhul kadib. C'est le frère du kadib. Lakin, vous allez voir, rien, al-tadlis, il est ashal, c'est pas min hada. Lakin, خاصة طالب العلم ينتبه من هذا. Il fait attention au tadlis. C'est répandu في هذا الزمن. بعض الناس ils veulent pas mentir directement. Ils emploient des formules de phrases. Elles sont pas طيبه. الصراحة الصراحة. Sois صريح. Avec du rift. Et parle بعلم. أما التدليس ça te fera du mal. لأن tu vas tomber dans des choses comme تسمعون بعض الناس. Mais j'ai voulu dire là. Le j'ai voulu dire il te fera du mal. لأن les gens ils te prendront à l'ظاهر. Ils savent pas ce qu'il y a dans ton cœur. Parle quelque chose de wadih. Les gens ils comprennent ton kalam wadih. Et s'il y a un bayan à faire, fais-le. Et s'il y a un khata, attaouba. Hada l'insan, pour pas yatrol fi mata'ib wa mashakil. Il se fait du mal à lui et il fait du mal aux autres. Alors, d'un nas, il parle de hadal kalam. Kalam, c'est pas clair. Quand tu lui poses une question, tu veux savoir des détails sur son kalam, khalas. Mais en fait, j'ai pas voulu dire mon kalam. Et ça fait du mal. Ça fait. Perte de temps et des vitaines. Donc ça, c'est le premier nawa. Tadlis al-isnat. On cite un mithal, min sharh akhina Sheikh Hussein. Est-ce qu'il a cité Tadlis al-isnat. Qal. Wa huwa riwayatul rawi amman sami'a minhu. Aïe, fil asl. Il a entendu des hadiths min. Qal ma lam yasma' min. Lakin, ce hadith qu'il rapporte, il ne l'a pas entendu de son shir. قال موهما انه سمعه منه avec bien sûr صيغه عن او ان قال بصيغه تقتضي السماع كعن وقال او ان كذلك قال il dit فلان il dit قال الشيخ est-ce qu'il l'a entendu ما تدري الشيخ il a dit ça لكن qui c'est qui l'a informé est-ce que c'est lui directement ou un autre هذا قال مثاله حديث اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر قال فهذا من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة ابن اليمان ولم يسمعه منه كما قال الحافظ ربعي ابن حراش عن حذيفة. Et ils ont Al-Hufad, et ça te montre, comment je vais savoir Anna Surawi, il a entendu de son shir, ou il n'a pas entendu. Si c'est un modèle sidian, comment je vais savoir? Et bien, Nas Al-Hufad, c'est Al-Hufad qui vont te démontrer ça. Al-A'imma Al-Kibar, qu'à l'imam Ahmed, qu'à l'imam Al-Hafid ibn Hajar Al-Dahabi, qablahum Al-Daraqutni Al-Bukhari, etc. Thomas, sur Tadlis, Al-Isnad, il y a des autres Tadlis, il y a des sous-catégories. Vous les verrez dans les prochains livres. On ne les lit pas, Cheikh Saïd les a pas cités, et nous, le but c'est d'étudier le charh de Cheikh Saïd. Amahouna les a cités Birtizab, lakin, Robama ça compliquera les choses, Inch'Allah vous les verrez. Bad. Le mithal il est compris. Rabi' ibn Hirash, Mudallis, il dit An, Hudayfa. Et ils se sont aperçus le Hufad que ce hadith, il n'a pas entendu An, Hudayfa. Il manque quelqu'un, il a dit An. Hada, ce hadith, fihi ma fihi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sahih. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sahih. Voir d'autres chaînes de transmission, voir. Lakin, Mujarrad, un exemple. Donc ça, c'est Tadlis al-Isnad. Qala Cheikh Saïd. Qala wa lam yusib man adkhala fi Tadlis al-Isnad riwayat al-Rawi al-Mudallis amman aasarahu ma lam yasma' minh بصيغة محتملة كما سبق بيانه إذ أنها من المرسل الخفي كما قرر ذلك الحافظ. Et tout ça, vous verrez dans le prochain livre. ولم يصب من أدخل في تدليس الإسناد رواية الراوي المدلس عن من عاصر ما لم يسمع منه. نعم, il y a une différence. أما نحن تدليس الإسناد, c'est il a entendu des hadiths عنه. لكن ce hadith, il n'a pas entendu. أما هذا, cet exemple qui dit, il a vécu la même époque, لكن il n'a pas entendu عنه. Il y a une différence entre les deux. Et ça, Inch'Allah, le مرسل الخفي, vous le verrez dans les prochains livres. قال وهذا القسم. Quel قسم? تدليس الإسناد. أحسنت وهذا القسم أي تدليس الإسناد. Notez هذا. Quand vous avez des ishara comme ça, probablement avec le temps, تتعب, si tu ne fais pas attention, tu ne sais plus ça revient à quoi. Mais une note. وهذا القسم أي تدليس الإسناد. قال وهذا القسم أي تدليس الإسناد. من التدليس مكروه جدا وذمه أكثر العلماء. نعم هذا لأنه نوع من الكذب. C'est pas du كذب واضح, لكن في الحقيقة هي لماذا كشي. C'est ça la question que العلماء ils se posent. قال وذمه أكثر العلماء وقال شعبة التدليس أخو الكذب. Et ça c'est صحيح عنه. وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الإمام رحمة الله عليه ست من أشد الناس بغضا للتدليس. لا أن أزني أي فغزنا بغلي أحب إليه من أن يدلس. هذا كما قال ابن الصلاح محمول على المبالغة. أما الزنا من الكبائر معروف سامبليك دي شوز غاب أي حد من حدود الله عز وجل. لكن تعلمون أن العرب ils ont ce genre de formulation de phrase من باب المبالغة pour mettre en garde d'une chose grave. قال ابن الصلاح صاحب المقدمة رحمه الله وهذا محمول على المبالغة في النهي عنه. نعم لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال وحكم رواية المدلس تدليس الإسناد أن ما رواه بصيغة محتملة للسماع فيرد. Et ça c'est مهم. Cette riwaya الآن أي ce مدلس qui dit عن أو أن il dit pas سمعت فهذا son حديث المردود. Il dit الحديث ضعيف فيه عنعنة فلان. Et il fait partie de le مدلس. قال وما رواه بلفظ بين فيه السماع كسمعت وحدثنا وهلما جرى فيقبل على الصحيح. نعم لأنه صرح بالسماع. فلهذا نرى في الإكزام قتادة قلت لدي عن ثم لمن بخاري لا ستين دوزيم رواية سمعت أو حدثني هذا سمقبول. قال وهذا ما قاله الشافعي في الرسالة الرسالة livre célèbre de l'imam Shafi. Il parle de hadith, de usul. Donc, al-hukm hada. Il y a des détails. Il y a des choses à préciser. Tout ça dans les prochains livres, inshallah. Amma antum, al-an, à notre niveau, an al-mudallis, si il rapporte un hadith avec une sira qui n'est pas sira de jazm, j'ai entendu, on m'a informé, s'il dit matalan an, d'après. أو إلى دي فهذا لا هذا سيرجوتي لأن سامدلس دي عن ربما son but c'était de faire croire qu'il a entendu de son cheikh et il n'a pas entendu ce hadith, il manque quelqu'un, qui c'est qui l'a informé, on doit savoir c'est qui هذا. Donc تدليس الإسناد هذا إلى مكروه جدا عند العلماء et c'est un عيب, c'est un عيب. Deuxième نوع تدليس الشيوخ قال وهو أن يروي المدلس عن شيخه حديثا سمعه منه ولا يسقطه فيسميه أو يكنيه يسميه معروف يدي صنو أو يكنيه الكنية قال أو ينسبه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به أو عرف به ولم يشتهر به كي لا يعرف هذا لموان غاف كل برومي لكن فيه ما فيه تدليس الشيوخ عن إسناد سراوي إلى un شيخ إلى entendu عنه لكن il cite un nom أو une كنية qui n'est pas connue لماذا إما pour cacher le hal de son شيخ il ne veut pas être واضح إما pour faire croire qu'il a plusieurs مشايخ مثلا أنت tu dis أو واحد dit حدثني الشيخ يحيى il est معروف ثم يدي حدثني الحجوري il est معروف un jour pour faire croire qu'il a beaucoup de مشايخ il dit حدثني ابو عبد الرحمن مثلا واحد يكون pas sa kunya il va se dire il a beaucoup de مشايخ هذا il a un شيخ qui s'appelle شيخ يحيى il a un autre il s'appelle sa kunya c'est ابو عبد الرحمن وهكذا او يدي حدثني ابن احمد le père de شيخ يحيى il s'appelle احمد أنت تتدي إلى نطخ شيخ يسابل ابن أحمد هكذا بعض الناس ما يعرف هذه الأمور vous avez compris هذا il est moins grave que le premier لكن c'est du تدليس لماذا لأنه c'est pas واضح et pourquoi faire هذا قال on lit الآن et avec l'exemple ça va être plus واضح et on va voir est-ce qu'il cite pourquoi قال أو يصفه يصفه بما لا يعرف به أو عرف به ولم يشتهر به كي لا يعرف. Donc ça c'est une des causes. Kay la yu'raf. Probablement il y a un dhaaf dans son shi'a. Et il ne veut pas qu'on sache. Fait il cite une nisba. Probablement tu ne connais pas. Tu ne pourras pas trouver. Qala wa hadha an-naw' min at-tadlis akhaff min al-awwal. La shak. Amma l'awwal c'est plus grave. Lianahu il y a un saqt wadih. On doit savoir ce qu'il y a. Amma hadha il n'y a pas de saqt. Lakin le fait de ne pas être clair. Kadhalik c'est pas tayyib. قال وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله نعم ربما celui qui va chercher le hal de Surawi vu qu'il a cité un nom une kunya qui n'est pas connu ربما سيتعب ربما سيتعب dans les kutub ou عند الناس il est معروف avec ce nom هو c'est une autre chose que personne connaît ربما نتعب c'est qui هذا مفهوم قال واسباب التدليس عدة ça c'est مهم لماذا ils font ce تدليس C'est ça la question que واحد il peut se poser. قال وأسباب التدليس عدة أي كثيرة. كضعف الراوي. ربما سراوي. Cet élève il veut cacher. Il veut pas être واضح حتى on connaisse son حال. Il fait du تدليس. إما يسقطه. إما il le cite avec un nom qui n'est pas connu. يسقطه c'est il تدليس الإسناد. Et il le cite avec une sifa ou un nom ou une kunya qui n'est pas connue tadlis al-shuyukh qala wal-ulu fi tadlis al-isnad كذلك al-ulu vous vous rappelez de l'ulu al-ulu fi al-isnad c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rapporteurs al-nazil c'est qu'il y a beaucoup de rapporteurs enfin pour avoir moins de rapporteurs il enlève un et il fait directement an هذا pour avoir un sanad ali كذلك لكن vaut mieux avoir un sanad nazil et il est واضح que un sanad ali et il manque ou il y a des rawis qui sont cachés. قال وقد يكون لإهام كثرة الشيوخ. On a cité cet exemple. Il te dit un jour حدثني يحيى, un autre jour il te dit Abu Abd Rahman, un autre jour il te dit Ibn Ahmed, un autre jour un surnom qu'on ne connaît pas. وهكذا. Celui qui entend, il se dit Masha'Allah, il a beaucoup de mashayikh. قال والضعف أيضا في تدليس الشيوخ. قال تدليس الشيوخ أي شرح الشيخ حسين. قال وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه. Donc, c'est quoi la différence entre Tadlis al-Shuyukh et Tadlis al-Isnad? Tadlis al-Shuyukh wa Sami'a. Sami'a min Shaykhi. Wa Tadlis al-Isnad? Ma Sami'a. C'est pour ça qu'il dit An. Et il fait croire qu'il a entendu de son Shaykh, mais il ne l'a pas entendu. C'est pour ça que Tadlis al-Isnad il est plus grave. Qala fayusammi. Ou yukanni. Ou yunsibuhu. Ou yasifuhu bima la yu'araf bih. Kay la yu'araf. Wa la yuhtada ilay. Mithalo. Donc, il a cité le même tarif que Cheikh Saïd. Mithalo, قال قول أبي بكر ابن مجاهد المقري قال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. Il a fait تدليس الشيوخ الآن. عبد الله ابن أبي عبد الله. يريد به من؟ قال الحافظ أبا بكر ابن صاحب السنن الحافظ أبي داود. أبو بكر ابن أبي داود معروف. صاحب كتاب في المصحف أو الكتاب في البعض du Coran. نسيت العنوان المصاحف أو عنوان هكذا. Il a cité au lieu de citer le nom qui est connu Abu Bakr ibn Abi Dawud, il a dit Abdullah, alors que Abu Bakr هذا il est connu par sa connue, lui il le cite par son prénom Abdullah ibn Abi Abdullah. Abdullah ibn Abi Abdullah, alors qu'il est معروف بأبو بكر ابن أبي داود. قال وكان يكثر من هذا التدليس الخطيب البغدادي. نعم الخطيب البغدادي المعروف بتدليس الشيوخ. قال فائدة ويلتحق بتدليس الشيوخ تدليس البلدان كما إذا قال المصري حدثني فلان بالأندلس وأراد موضعا بالقرافة أو القرافة. نعم أندلس un endroit qui est connu en Égypte, لكن نحن الأندلس qui est connu c'est l'Andalousie معروف l'actuelle Espagne. فهو se tadlise pour te ka'annahu il a des mashayikh hunak, alors que fil haqiqa al-Andalus cet endroit il est fait Misr. Il y a du tadlis. Qala kayfa yu'raf at-tadlis? Qala yu'raf imma bi tasrih al-mudallis, ay al-mudallis lui-même il dit qu'il a fait du tadlis. Qala aw bi tansis ba'd an-nuqad. Na'am, aw al-ulama a'imma nuqad il dit fulan sa mudallis et il montre. Hukm at-tadlis taqaddam. Amma tadlis al-isnad قال فدمه أكثر العلماء كما قال. نعم هذا إلي غرب. قال وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد لأن المدلس لم يسقط أحدا. تكمخي هذا إلا فتن ببخصن هو دو إسناد لكن يسيت دي نو أو دي كونية كونة كي سنبا كوني. هذا قال وإنما الكراهة بسبب تضييع المروي عنه. المروي تضيع هنا وفيه تضيع للمروي عنه. هنا on a تضييف المري. C'est pour ça que c'était pas واضح. Corrigé. هنا ils ont cité la même illa et dans le deuxième char c'est الصواب. تضيع المروي. أي on sait pas c'est qui. Ah on va avoir du mal à trouver c'est qui. قال شيخ سعيد وفيه تضييف ومتي الصواب لعل الصواب تضيع أو للمروي كما في شرح Hussein al-Hatibi. Thomas, Cheikh Hussein a cité les références. Il a cité les références Fath al-Mughit al-Sakhawi. قال وإنما الكراهة أي في تدليس الشيوخ بسبب تضيع المروي عنه لتوعير طريق معرفته على السامع. نعم, il aura du mal à trouver ce narrateur pour connaître l'authenticité du sanad. قال ويختلف باختلاف الحال بحسب الفرض الحامل عليه. نعم. Moi, ça dépend pourquoi. Si c'est pour cacher ce rawi qui est daïf, hada c'est grave. Et tout ça, inshallah, vous verrez dans les autres doros, vous verrez plus de détails. Alors, si vous avez compris at-tadlis, donc deux noms. Tadlis al-isnad, ce rawi, un narrateur, il a entendu des hadiths de son shir. Lakin, il veut rapporter un hadith, ben il rapporte ce hadith qu'il n'a pas entendu de son shir, et il le rapporte, il dit « an ». et il cite le nom de son shir. Un tas, dès que tu lis le sanad, tu penses qu'il a entendu ce hadith de son shir. Et le haqiqa, il l'a pas entendu. Tadlis al-isnad. Et celui-là, il est grave. Deuxième, il a entendu ce hadith de son shir, lakin il n'est pas clair dans le nom. Ou il caractérise son shir une chose qui n'est pas connue. Hada, imma, c'est pour faire croire qu'il a beaucoup de machaïr. Imma, on a cité les causes. Hada, il est moins grave. C'est de anwa. Al-an, si on revient au. Revenez au hadith mu'an'an. Quand ils avaient dit Al-An, pourquoi ils n'acceptent pas Al-An'anat al-Mudallis ? Page 17. Si on revient à Al-An, après que vous avez compris Hada, Al-Mu'an'an, on avait vu Annahu Ma'ruya bi-Lafd'an. Et on avait vu Anna al-Hukm, c'est que. Il est sahih. Si c'est des fiqad, bien sûr. Sauf, on avait vu Mas'alat al-Mudallis. On répète Al-An. Amma Hukm. المعنعن ففيه أقوال والصحيح الذي عليه جمهور المحدثين المتقدمين كابن المديني والبخاري أنه متصل بثلاثة شروط quand un imam ou un narrateur plutôt dit an il est متصل avec trois conditions. La première, قال عدالة الراوي, bien sûr il faut que ça soit un راوي, si c'est un ضعيف il est ضعيف. ثاني سلامة الراوي من التدليس. Vous avez compris الآن pourquoi سلامة الراوي من التدليس. أما si c'est un modèle, Farobbama, il dit un, et il n'a pas entendu de ce chir. Il y aura un problème dans l'ittisal al-sanad. Il manquera quelqu'un, khasatan, si il fait du tadlis, tadlis al-isnad. Al-thalith, liqa al-rawi liman rawa anhu bil-an'ana. Tout ça, on avait vu, shart al-Bukhari, shart muslim. Hada. Al-an, vous avez compris, inshallah ta'ala. Hada, ce nou' al-tadlis, c'est parmi les plus compliqués, khasatan avec les détails. Nahnu. ولله الحمد on a simplifié. إن شاء الله هذا العلم كما تعلمون أولا des bonnes bases, des choses simples, تعريف, tu comprends تعريف, tu rentres pas dans le خلاف في البداية. أما يا خلاف واسع في التدليس. لكن أنت أولا التعريف c'est quoi التدليس, ثم t'as des connaissances de base et avec le temps livre après livre إن شاء الله tu augmentes tes connaissances. هذا. فلهذا نحن on détaille pas dans ce genre de livre. C'est le premier. Enfin, il reste simple. Et demain, Inch'Allah, Al-Shad ou Al-Maqloub. Khasatan Al-Shad, comme vous le savez, c'est un qisme important. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanak lahum hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.